Deux mois plus tard, Frédéric arrive à Paris et se présente chez D'Ambreuse. Malgré la lettre de recommandation que lui a faite le père Roch, il n'est pas invité à revenir. Par hasard, il découvre le magasin d'Arnoux et repense à Madame Arnoux. Mais il ne parvient jamais à l'approcher. Il s'installe rue Saint-Hyacinthe, commence ses études de droit, mais se décourage et plonge dans l'ennui. Deslauriers ne peut pas monter le rejoindre à Paris. Et malgré la fréquentation de deux autres étudiants, Martinon et M. Tsizi, Frédéric est dans le désœuvrement. Le printemps approche et il passe médiocrement sa première année. Après être retourné chez sa mère pour l'été, il s'installe quai Napoléon à la rentrée. Décembre 1841. Frédéric assiste à une manifestation étudiante dans le quartier latin et fait la connaissance de Hussonnet. Il rencontre également Dussardier, qui est incarcéré pour s'être insurgé contre les forces de l'ordre. Après lui avoir rendu visite en prison, il discute avec Hussonnet et apprend que celui-ci travaille pour L'Art industriel, le journal d'Arnoux. Il demande à y être introduit. Sur place, Frédéric fait la connaissance de Regimbard, un socialiste plus ou moins dominé par l'alcool, et de Pellerin, un peintre exploité par Arnoux. Ce cadre devient le sien. Un soir, il reçoit une lettre de son ami Deslauriers qui le prévient de son arrivée à Paris. Mais celui-ci arrive le jour où, pour la première fois, Frédéric est invité à dîner chez les Arnoux. Il reçoit donc chaleureusement son ami et se rend au dîner.